قال المؤلف عليه رحمة الله باب إذا حرم الرجل عليه امرأته إذا حرم الرجل عليه امرأته chapitre qui concerne l'homme qui se rend interdit son épouse. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال الله عز وجل وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبد الله بن عباس il dit si l'homme s'interdit son épouse ou se rend interdit ou s'interdit son épouse fahiya yamin ce sera considéré comme un yamin c'est comment on pourrait dire yamin comme un serment voilà comme un serment même. Ce sera considéré comme un serment qu'il devra expier waqala et ensuite il s'est basé sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez certes au prophète d'Allah vous avez certes un bon exemple en lui plutôt. طيب. طيب الشيخ العثيمين يقول هذه المسألة ce micro là faudrait changer hein. Il fait trop de Allah musta'an. نعم قال الشيخ العثيمين هذه المسألة أيضا وهي تحريم الزوجة مما اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا حتى بلغ في ظني خلافهم نحو 16 قولا. Donc ça c'est une mas'ala où les savants ont énormément divergé. Les savants ont énormément divergé sur le sujet. C'est-à-dire lorsque l'homme s'interdit son épouse. Lorsque l'homme s'interdit son épouse. Qu'est-ce que ça signifie s'interdit son épouse? Par exemple, il dit je me rends interdit mon yani zawjati alayya haram. Zawjati alayya haram. Il dit mon épouse est pour moi interdite. S'il dit cette parole-là, est-ce que c'est considéré comme un talaq? On va retourner à son intention, Jamil. On va retourner à son intention. Si on suit le hadith d'Abdallah ibn Abbas, il va dire « Hiya yamin ». C'est une yamin. C'est pourquoi Cheikh Al-Uthaymeen il dit ça, c'est un sujet sur lequel les savants ont divergé énormément. Jusqu'à, je te dis, dans cette masala, il y a au moins 16 avis. 16 avis. C'est énorme. Non. Lakin al-sahih, comme a dit Abu Abdurrahman, huwa an yumdar fi niyyatihi. On doit regarder dans son intention. Est-ce qu'il avait pour intention de la divorcer? Si c'était le cas, alors ce sera un talaq qui compte. قال ولكن القول الراجح أي التحريم الزوجة يمين مكفرة كتحريم غيرها لعموم قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. Vous avez compris le pourquoi du comment Abdallah ibn Abbas il a dit dans le hadith, il a dit celui qui dit cela, qui s'interdit son épouse, c'est un serment qu'il devra expier. Ensuite, il a pris le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous avez en l'image du prophète un excellent exemple. Pourquoi ? Parce que le prophète, alayhi salatu wasalam, il s'était interdit certaines choses. Il s'était interdit de se remarier, il s'était interdit de voir son esclave, Maria. C'est ça ? Man yaskura al-qissa ? Qu'est-ce que ça se rappelle de la qissa ? J'avais vu, il y avait deux paroles. Oui, il y a deux. Il s'est interdit de visiter Safiya. Hein? Ou le khawl thani? C'était le miel. C'était par rapport au miel. Parce que Safiya, elle avait du miel. Et Aïcha lui a fait croire que son haleine dégageait quelque chose. Naam. Et l'autre, ce qu'il me semble, faut revoir, Inch'Allah. Je crois que c'était avec son esclave, Mariam. Al-Muhim, donc le prophète, il s'est interdit certaines choses. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, pourquoi tu t'interdis des choses qu'Allah t'a rendues licites pour rechercher l'agrément de tes épouses? Alors, certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et, قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ, certes, Allah vous impose de vous affranchir de vos sermons. Donc, Abdullah ibn Abbas s'est basé sur cela pour dire que celui qui s'interdit son épouse, en fait, c'est un serment et qui mérite d'être expié. فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى التَّحْرِيمَ يَمِينًا وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَرَامِ إنها يمين يكفر أو يكفرها. نعم. وعلى هذا فإذا قال لزوجته أنت علي حرام فليس بظهار وليس بطلاق. Si on regarde seulement juste à la parole, si on regarde juste sur la parole, la personne qui dit tu es pour moi interdite. Est-ce que c'est un divorce? Ou est-ce que c'est un bihar? Vous avez trois catégories qui se ressemblent à peu près. Vous avez al-bihar. Vous avez al-mu'ala. Al-ila. Al-mu'ala. Et vous avez mada al-yamin. Ça, c'est l'yamin. Al-bihar, c'est que tu dises, par exemple, ma femme m'est interdite comme le dos de ma mère. Tamam. Hada zihar. Wa laysa min hada al-qabil. Même si ça se ressent. Wal ila, c'est quoi? Wal mu'ala, c'est que tu jures. Tu jures par Allah que tu t'approcheras pas de ta femme. Hadi, c'est une autre catégorie. Fahimtum? De toute façon, ça, on va le voir, Inch'Allah, dans les cours prochains, Inch'Allah. Al-Muhim, donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il te dit que si on regarde la parole en soi, c'est pas du dihar, ni c'est considéré comme un talaq. Lakinnahu yamin. Mais en vérité, c'est considéré comme un serment. وعلى هذا القول الراجح لا نحتاج أن نستفصل منه ماذا أردت لأنه لا فرق بين تحريم الزوجة وغيرها فلا حاجة أن تستفصل بل نقول إذا حنثت في هذا فكفر كفارة اليمين نعم donc là si quelqu'un nous dit cette parole là. Si quelqu'un dit cette parole-là. Tfaddali. Shrabi. Aïe. Mashallah. Alors. Donc. Madame. Donc, Cheikh Al-Athaymi, il dit, si quelqu'un il dit cette parole-là, on ne doit pas lui demander c'était quoi ton intention. On ne doit pas lui demander c'était quoi son intention. On lui dit juste, c'est un serment que tu dois expier. C'est un serment que tu dois expier. لكن لو أراد بقوله أنت علي حرام الطلاق. Cependant, si lui, il avait l'intention, lorsqu'il a dit cette parole-là, il avait l'intention du divorce. قال الشيخ الوثيمين فإننا نقول هذه الكلمة صالحة للفراق. C'est une parole qui convient pour la séparation. لأن المحرم يجب البعد عنه. فإذا قال أنت علي حرام فإنها صالحة لإرادة الطلاق فإذا كانت صالحة لإرادة الطلاق وأراد الطلاق صارت من باب الكنايات فتكون كناية. نعم. Donc en gros, s'il avait l'intention de la divorcer par cette parole-là, alors ce sera compté comme un divorce. Ce sera compté comme un divorce. Non. À la kulli hal, c'est pareil, le fait de dire cela, est-ce que c'est permis ou non? As-sahih annahu makruh. Makruh. C'est une chose détestable de dire, de s'interdire son épouse, c'est-à-dire de dire anti aliya haram. Hada, c'est détestable. C'est pourquoi Abdallah ibn Abbas, il a dit fahiya yaminun yukaffiruha. C'est un serment qu'il doit expier. طيب. Babu al-mutallaqa talaqan ba'inan la yarji'u ilayha zawjuha hatta tankiha zawjan ghayra. La femme qui a été divorcée trois fois ne peut revenir avec son premier mari que lorsque elle aura consommé le mariage avec un autre. C'est un chapitre qu'on avait déjà vu. Et c'est pourquoi je vous ai dit, l'auteur, mashallah, son livre, c'est un très très très très bon livre. Lakin, comment il a organisé les chapitres dans certains endroits, et il aurait pu mieux faire. Ça, c'est un chapitre qu'on a déjà vu. Naam. Wallah al-musta'an. طيب عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول والعسيلة كناية عن الجماع. Donc le hadith, un hadith de Aïcha où elle dit un homme a divorcé sa femme trois fois, ensuite cette femme-là s'est mariée avec un autre et elle a été divorcée avant de consommer le mariage. Et son premier mari a voulu la remarier. Vous me suivez là? Son premier mari a voulu la remarier. Donc ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam si c'était possible. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit non, c'est pas possible. Jusqu'à ce que le nouveau mari goûte du petit miel qu'a goûté le premier. Et ça, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait référence, de par ses paroles, au rapport intime. Al-Muhim, al-Masala, qad marrat ma'ana. Qala bab man ra'a at-talaq thalathan fi majlisin wahid. Chapitre concernant celui qui voit que le fait de dire talaq trois fois dans un même moment. طيب. فهذا العنوان فيه مسألتان. هل يجوز الطلاق بالثلاث أو هل يجوز طلاق ثلاث دفعة واحدة؟ Donc dans ce chapitre, on comprend qu'il y a deux mas'alas. La première, est-ce qu'il est permis de prononcer le talaq trois fois dans un même instant? Trois fois dans un même instant. Taïeb, والصحيح أنه لا يجوز وهو قول مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر ومالك وأبي حنيفة وآخرون. Donc la vie le plus juste c'est que ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis de dire à son épouse أنت طالق طالق طالق. Trois talqas في حين واحد. Dans un même moment. نعم. والمسألة الثانية إذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فهل يقع ثلاثا أم واحدة؟ Et la deuxième مسألة, si tu dis à ton épouse أنت طالق طالق طالق, est-ce que c'est compté comme un talaq ou comme trois? Comme un talaq. نعم هذا هو الصحيح. Comme un talaq. والصحيح أن طلاق ثلاث بكلمة أو بكلمات لم يفصلها رجعة ولا نكاح لا تقع إلا طلقة واحدة. تمام. Donc le hadith de ce chapitre, c'est un hadith de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ابن الخطاب طلاق ثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. Donc le hadith de Abdullah ibn Abbas où il dit qu'au temps du prophète alayhi salatu wassalam, le talaq, au temps du prophète, au temps d'Abu Bakr, ainsi que deux ans, les deux premières années du gouvernat de Omar ibn Khattab, le talaq dit trois fois dans un même endroit était considéré comme un. Et ce n'est que Omar qui l'a changé. Donc la vie le plus juste, c'est que celui qui prononce cela trois fois, ce n'est compté qu'une fois. Et il prend un péché. Babu wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Ay fi al'idda wa kayfa yuraji'u al-mar'a idha tallaqaha wahida aw ithnatayn. Kadhalik marra bina hadha al-hadith bidhat. Aussi, ça c'est un chapitre qu'on a déjà vu. Wallahu al-musta'an. Qala an al-Hasan radiyallahu anhu anna Ma'qal ibn Yasar kanat ukhtuhu tahta rajulin fatallaqaha thumma khala biha hatta inqadat 'iddataha thumma khatabaha fahamiya Ma'qal min dhalika anafan فقال خل عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها. Donc ça c'est une histoire qu'on avait déjà vue, l'histoire du compagnon Ma'qil qui avait une sœur qui était mariée à un homme. Sa sœur était mariée à un homme. Cet homme-là, il l'a divorcé. Et il s'est séparé d'elle. Jusqu'à ce que la période de viduité de cette femme-là passe. Et ensuite, une fois que sa période de viduité elle est passée, cet homme qui l'a divorcé, il est revenu la demander en mariage. Fahamiya Ma'qal. Et donc, le frère de cette sœur, le frère de cette femme, il s'est mis en colère. Et s'est mis en colère et il a refusé de redonner sa sœur à cet homme-là. نعم. فقال خلى عنها. Et donc il a dit, il l'a laissé alors qu'il pouvait la récupérer, puisqu'elle était dans la période de viduité. Il l'a laissé alors qu'il pouvait la récupérer et ensuite c'est là maintenant il vient et il la demande en mariage. Et il a dit, et il s'est fermement opposé à ce que sa sœur se remarie avec cet homme-là. فأنزل الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre sur ce personnage, sur cet homme, ces versets qui dit: et lorsque vous venez à divorcer vos femmes et qu'elles ont atteint leur, leur terme, c'est-à-dire la fin de leur période de viduité, ne les empêchez pas de se marier avec leurs époux précédents, ne les empêchez pas de se marier avec leurs époux si elles-mêmes, ainsi que eux, sont d'accord pour cela, sont d'accord pour revenir ensemble. Et là, après l'aïe, فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الآية فترك الحمية واستقاد نعم واستقاد لأمر الله. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم, quand ces versets lui sont descendus, il a appelé cet homme-là, il a appelé cet homme-là et il lui a récité directement les versets. Et l'homme, lorsqu'il a entendu ces versets, il a laissé la hamiya. Hamiya, c'est la fougue. Hein? Il a laissé la fougue ainsi que la colère pour se soumettre à la volonté d'Allah Azza wa Jal. وقد يحصل يا اخوان من من هذا القبيل خاصة عند العرب فالحمية على الأقارب والغيرة قد تدفع الشخص إلى مثل هذه الأفاعيل. La jalousie. La jalousie que l'on doit avoir envers nos proches, pourquoi, peuvent nous amener à certains moments à ce genre de à ce genre d'œuvre, comme l'a fait Ma'qil. Hamiyatan, il a été énervé par rapport à sa sœur qu'elle a été traitée comme cela, bien que c'était pas laissa honak dhanb, elle a été divorcée jusqu'à sa, ce que sa période de viduité soit passée. Mais lui, il a pris fi nafsa. Akhadathu al-hamiyya. Na'am. Lakin, bien que cela peut se produire, il faut toujours revenir au kitab d'Allah et à la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Et c'est là que tu vois que les compagnons, ils ont devancé tout le monde. C'est-à-dire, eux, dès que tu leur amènes un verset ou un hadith, khalas, ils peuvent laisser toutes leurs affaires juste pour se soumettre au verset d'Allah Azza wa Jal ainsi que à la parole du prophète alayhi salatu wassalam. À la kulli hal, c'était une partie qu'on avait déjà vue à cela. Babu wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan. Chapitre au sujet de la parole d'Allah qui dit: et si une femme craint de se séparer de son mari ou qu'il se détourne d'elle. Non, si une femme craint de désobéir, de devenir désobéissante envers son mari, ou qu'il se sépare d'elle, yani ça c'est le hadith, c'est le verset qui était descendu sur quelle femme du prophète alayhi salatu wassalam, ou qui concerne quelle femme du prophète alayhi salatu wassalam. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha baynahuma sulha. Sauda, naam. C'est venu dans l'histoire de Sauda avec le prophète alayhi salatu wassalam. Qalat an Aisha radiyallahu anha, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan, qalat hiya al-mar'a takunu 'inda ar-rajul la yastakthiru minha فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. نعم. Donc Aïcha dit au sujet de ce verset, elle dit que cela concerne une femme dont le mari la yastakthiru minha. La yastakthiru minha, ay la yakunu lahu biha haja fil mu'ashara. C'est la femme dont le mari ne trouve pas en elle un désir de cohabiter. Hein? C'est le, la femme dont le mari ne trouve pas en elle un désir de cohabiter. Donc elle lui dit quoi? Donc lui, cet homme-là, il pense à la divorcer pour se remarier avec une autre femme. Et elle, elle lui dit quoi? Elle lui dit, garde-moi, maintiens-moi sous ton autorité, c'est-à-dire garde-moi marié à toi et ne me divorce pas. Mais si tu veux te marier, marie-toi, car cela t'est licite et tu seras, je te dispense de toute dépense pour moi et de tout partage de jour. Ta main. فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. Donc ensuite Aïcha conclut, elle dit et ceci fait partie de la parole d'Allah Azza wa Jalla qu'il dit lorsqu'il dit il n'y a nul grief entre deux, car ceci fait partie de la réconciliation et la réconciliation est meilleure. Et en gros, comme on l'a évoqué, ça c'est ce que Sauda bint Zam'a a proposé au prophète alayhi salatu wassalam lorsque elle a pensé qu'il allait la divorcer. Et en vérité, il y a une grande faïda, il y a un point fi hadhihi al-qissa. نستفيد من هذه المرأة الشريفة أمنا سودة على التواضع تواضع المرأة في الأمور التي ينبغي منها التواضع. Le fait que la femme fasse preuve d'humilité dans des moments où il faut qu'elle fasse preuve d'humilité. Parce que le fait de dire ce genre de parole à un homme, pour bon nombre de femmes, c'est un rabaissement. Pour bon nombre de femmes, c'est un rabaissement. Donc elles vont préférer... ignorer le fait de dire cela, quitte à perdre le mari. Or, celle qui fait preuve d'humilité, elle sait ce qu'elle gagne. La siyama idha kanat ma'a shakhs, ma'a shakhsin mutadayyin. مع شخص ذو أو ذي عبادة وذي علم وصلاح. Surtout si cette femme-là s'est trouvée avec un homme d'un bon comportement, un homme qui accomplissait bon nombre d'adorations, ou un homme qui avait de la science. Non. Le fait de perdre un tel homme pour une femme, يعني قد يكون ضررا عليها. Ça peut être un tort qui lui viendra في المستقبل. فهذه سودة, lorsque سودة a pensé qu'elle allait être séparée de l'homme le plus savant que la terre n'ait jamais porté au sujet d'Allah, le plus savant au sujet d'Allah Azza wa Jalla, que la terre n'ait jamais porté, l'homme le plus pieux que la terre n'ait jamais porté. Lorsqu'elle a pensé qu'elle allait se séparer de lui, elle a préféré faire preuve d'humilité, faire preuve de tawadu, afin que le prophète alayhi salatu wassalam reste avec elle. Faman Faz, qui a gagné alors en vérité? Hein? Hiya. Parce qu'elle reste avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et aujourd'hui on l'évoque comme faisant partie des mères des croyants. On l'évoque comme faisant partie des mères des croyants. Si elle aurait fait preuve de kibr, ah non, moi je donne pas mon jour, voilà ma nama, kada, je peux pas me rabaisser, voilà kada, wa haja wa kalla an takuna. Bien sûr, les femmes du prophète ne peuvent pas se comporter comme cela, mais c'est un exemple. Si elle aurait fait preuve d'orgueil, ou elle se serait montrée hautaine, ou autre, Et elle aurait tout simplement refusé de faire un quelconque accord avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, on ne l'évoquerait même pas comme faisant partie des mères des croyants. Et elle ne serait pas au paradis, elle n'aurait pas droit d'être au paradis avec le prophète, alayhi salatu wassalam, qui sera dans le plus haut degré, dans le plus haut degré, ala l'état. Donc, avec son tawadu, regardez comment elle a gagné le paradis. Wa tawadu al-mar'a, inda zawjiha amrun. Wajib. Le fait que la femme fasse preuve d'humilité face à son mari, ça c'est une obligation. Qu'elle fasse preuve d'humilité face à son mari, c'est une obligation. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, s'il m'était permis d'ordonner à une créature de se prosterner face à une autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner face à son mari. Naam. Donc ça montre que le fait que la femme fasse preuve d'humilité face à son mari est une obligation. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il élève la femme qui fait preuve de tawadu' ma'a zawjiha. Inch'Allah, on prend les questions en quelques minutes, Inch'Allah. S'il y a des questions, ailleurs. ممكن هذا نرجع للعرف أن هذا عندما واحد يقول زوجته يعني حرمتك يعني خلاص يعني يكون ثلاث مرات ومرة واحدة خلاص انتهى النكاح بينهما في العرف عندنا معنى كذا ها هذه مسألة جميلة طيب الأخ عثمان يقول si on regarde dans certaines mœurs le fait de dire le fait que l'homme dise à sa femme « Anti haramun alayya » c'est compté dans certaines mœurs comme un talak thalaf. Comme un talak thalaf. Non. Fal, fi mithli hadhi l'umour narji' ila l'urf. Est-ce que dans ce genre de choses, on revient au urf? Est-ce que dans ce genre de choses, on revient au urf? À la aux mœurs. الذين درسوا في القواعد ها سي عندنا parce que là on avait un dalil de nous c'est une masoud ibn Abbas c'est vrai si on a un dalil si on a un dalil on revient pas au urf جميل لان القاعده تقول ماذا ان العرف يرجع اليه في كل حد او في كل شيء في ماذا في كل حد لا او في كل حكم لم يحده شارع donc on revient au urf dans tous les jugements qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas limité. Par exemple, il nous a demandé d'être bon envers nos épouses. وعاشروهن بالمعروف. Cohabiter avec elles بالمعروف. المعروف هذا on sait pas c'est pas une chose limitée. C'est-à-dire c'est pas une chose où on peut dire voilà, c'est pas défini. Allah subhanahu wa ta'ala il a atlaq. طيب, comment on va le définir nous? En fonction des mœurs. Maintenant dans cette mas'ala là, Le talaq thalath, c'est venu bitasri'. C'est venu le fait de divorcer la femme, ou que le divorce il est effectif une fois qu'il y a trois talqas, c'est venu d'une manière claire, dans laquelle on ne peut pas englober autre chose. Si les trois talqas, elles n'ont pas été dites comme cela est venu dans le shara', fala laysa lana an nudkhil ma laysa fi. وعليكم السلام ورحمة الله. يا نوت كيسيون. Si un homme il vient faire ça, il donne trois talaq à la suite, mais lui pour lui ça compte trois, il s'en va, il donne pas le droit de ni lui donne le droit, ni la nourrit ou pas. Est-ce qu'on doit l'obliger à revenir? Si quelqu'un il vient divorcer sa femme trois fois dans un même moment, et lui, il pense que c'est compté comme 3. Lui, s'il est sur l'avis de ceux qui voient que c'est compté, ما نستطيع أن نلزمه إلزاما قويا هذا من جهة الحكام ça peut venir que des gouverneurs s'il est dans un endroit dans un pays où la vie qui prime c'est que 3 talqa c'est compté comme une alors là le gouverneur lui pourra l'imposer mais nous là فهي مسألة خلافية c'est une مسألة خلافية si lui il a choisi un avis, ça, c'est très dur de le contraindre. De le contraindre. Taïb, Ali. Celui qui dit que sa femme l'interdit, ouais. Et il y a, on a dit qu'il y a 3 catégories. Non. Et dans quelle catégorie rentre celui qui s'interdit pour l'éducation ? Celui qui s'interdit. En fait. Ça, voilà, celui-là, ça dépend. S'il jure par Allah qu'il n'approchera pas sa femme, ça c'est al-mu'ala. C'est le mu'ala. T'as quatre mois. Naam. Ouais, c'est 4 mois, pas plus. C'est-à-dire celui qui. Mais on va le voir, Inch'Allah, dans le cours prochain. Celui qui s'interdit son épouse, c'est-à-dire le rapport intime, en jurant par Allah qu'il ne l'approchera plus. Lui, il a 4 mois, pas plus. 4 mois où il a le droit de tenir son engagement. Après, s'il veut pas respecter le serment qu'il a fait, il kaffir yahnas. Il annule le fait qu'il est juré. Après, tu as celui qui dit le dos de ma femme est pour moi comme le dos de ma mère. Ça fait partie de dhihar. Et tu as celui qui dit je m'interdis mon épouse. Fa'adha yamin, yukaffir. Ça, c'est un serment qui doit expier. Donc là, si tu regardes bien, le dhihar. واليمين هذا مكروه أما المؤالة le fait de jurer que tu n'approches pas ton épouse ça c'est permis وقد يكون فيه مصلحة et il se peut qu'il y ait énormément de مصلحة en sachant que ça fait partie et c'est le meilleur moyen pour corriger les mauvais comportements d'une épouse. C'est le meilleur moyen. Pourquoi ? Parce que c'est le moyen que le prophète, alayhi salatu wassalam, a utilisé lui-même. Il a juré de ne pas approcher ses femmes. Et il a tenu à son... Il a tenu parole. Pendant combien de temps, Yahuan ? Pendant combien de temps, le prophète, alayhi salatu wassalam ? 29 jours. 29 jours, un mois. Enfin... الصحيح أنه 29 وشهر que ça soit 29 ou 1 mois c'est la même chose parce que le mois il peut être de 29 jours comme de 30 تمام je crois qu'il y a des questions aussi là طيب il y a une question, Inch'Allah. Une sœur a des west-west qui la fatigue. Elle se sent hypocrite vis-à-vis d'Allah. Mais pourtant, elle fait tout pour être sincère. Je lui ai demandé de me dire quel type de west-west. Mais elle m'a dit... qu'elle ne peut pas les répéter, c'est trop. Quels conseils peut-on lui donner ? Jazakumullah khair. Naam. Awalan, الوسواس مرض مرض. Tout d'abord, il faut savoir que le waswas, c'est une maladie. Maladun. Yabtalillahu bihi ba'du ibad. C'est une maladie avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il éprouve certains de ses serviteurs. Wa shar'ullah ja'at bil adilla allati tudafi' أو تدفع الوسوسة منها حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. Les preuves de la législation sont nombreuses et vont toutes dans le sens qui mènent à repousser les wasawis. Parmi ces preuves-là, le hadith de Abdallah ibn Zayd, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit concernant la personne qui, pendant sa prière, a cru qu'il avait eu un hadith, un gaz. Il lui a dit ne sors pas, ne quitte pas de ta prière du moment que tu n'as pas entendu d'odeur et du moment que tu n'as pas entendu de bruit. Pourquoi ? Parce que il se peut que ta pensée ne soit le fruit que d'un waswas. Il se peut que ta pensée ne soit le fruit que d'un waswas. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, avec ce dalil-là, il a voulu montrer qu'il ne faut pas tomber sous l'emprise, que le croyant ne doit pas tomber sous l'emprise du waswas. Naam. وكذلك وهذه نصيحة للجميع صراحة. On va prendre ce petit moment pour donner un conseil à ce sujet là le fait que l'insan, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a légiféré énormément de choses que si on les met en pratique du matin au soir, on va trouver du bonheur dans notre vie. On va trouver du bonheur dans notre vie. Mathalan, lorsque tu t'habilles, t'aqul bismillah. Lorsque tu t'habilles, tu dis bismillah. Lorsque tu rentres chez toi, tu dis bismillah. Lorsque tu sors, tad'ou. Fahadi, ça c'est des asbab. Ça c'est des asbab qui protègent la personne. Qui protègent la personne du waswasa. La siyama idha qama bil azkar wa laysa hunaka a'zam min al azkar azkar al sabah wal masa. Y a pas un meilleur remède contre le waswas, le fait de s'en tenir au azkar du matin et du soir. Y a pas un meilleur remède contre le waswas. Mais malheureusement, bon nombre d'entre nous, on néglige ces azkar, on néglige ces azkar, thumma ba'den on s'étonne des malheurs qui peuvent nous toucher, ou pour ceux ou celles qui sont pris de waswasa ou de choses du monde de l'invisible. Le fait qu'ils délaissent cela, qu'ils délaissent les azkar, ça fait gagner de leur maladie. Enfin, ça fait gagner de l'emprise. Al-an, idha kunta maridan. Si tu te trouves malade, t'as, je ne sais pas moi, un rhume ou quoi, et tu délaisses les remèdes, que ce soit l'assel, tu délaisses tous les remèdes, est-ce que la maladie, elle va s'accroître ou bien elle va s'arrêter? Elle va s'accroître, bila shak. Non. فعلى كل حال الذي أنصح نفسي وإياكم بالملازمة بالأذكار والذكر. Le fait de revenir. Combien d'entre nous sont ceux qui oublient les أذكار avant de dormir? أذكار قبل النوم. من يذكر واحد? Qui peut nous évoquer un un zikr qu'on doit faire avant de dormir. Il y a Abba Zakaria, عندك. Ayat al-Kursi, Jamil. Wa madha? Les trois dernières sourates, na'am. Wa madha? أيوة التسبيح والتحليل والتحميد 33 مرة وهذا le fait de dire la ilaha illallah de ماذا subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 fois ça fait partie aussi des plus grands remèdes contre la fatigue. Combien de d'hommes et surtout des sœurs elles trouvent de la fatigue, elles trouvent même pour certaines un certain ras-le-bol dans leur vie. Elles ne sont pas... pour certaines, subhanallah, elles ne sont pas satisfaites de leur vie fi dinihim ou fi dinihin. Wahada kulluha tarji' ila da'f dhikrillahi azza wa jal indahum. Et tout ça, en fait, ça revient à quoi? Ça revient au manque d'invocation. Au manque d'invocation d'Allah azza wa jal. On ne l'évoque pas assez. Car plus tu évoques Allah Azza wa Jal, plus tu te renforces. Plus tu évoques Allah Azza wa Jal, plus ton shaitan yad'uf. Plus ton shaitan yad'uf. Fa al-mulazama li dhikrillah Azza wa Jal min a'zam ma yub'idu al-waswas 'an al-shakhs. Wa hadha huwa. Donc s'il y a plus de questions, inshallah. Il y a une question? Khalas, j'ai le temps. Hey, I'm not going to...